Minuit et demi, dernière rame qui part. Wagons à moitié vide, lumière bizarre. J'observe les gens autour, chacun son histoire. Rendu taf de nuit d'une soirée, au pire va savoir. Le mec en costard, cravate desserrée, probablement marié, mais rentre pas chez lui validé. La nana maquillée, qui fixe son phone, compte les likes sur Insta, seul dans sa zone. Le SDF installé qui dort sur deux sièges, personnel sécurité qui fait semblant de rien siège. Un couple qui s'engueule en chuchotant fort, relation toxique qui s'effiloche encore. Le dernier métro, théâtre nocturne, le dernier métro, vie qui se côtoie, urne, chacun dans sa bulle. Personne se parle, mais tous ensemble dans ce train on marche. Le dernier métro, théâtre nocturne, le dernier métro, vie qui se côtoie, urne, chacun dans sa bulle. Personne se parle, mais tous ensemble dans ce train on marche. Yeah. Les étudiants bourrés qui chantent trop fort. Retour de soirée, demain c'est mort. Le livreur Uber Eats, vélo sur l'épaule. 14e heure de taf, salaire un bol. Une mère avec ses trois moments dormis. Job de ménage fini, fatigue infinie. Un guitariste qui joue un air triste. Chapeau ouvert, quelques pièces, il persiste. Moi je suis là, écouteurs sans musique. J'observe ce microcosme, c'est magnifique. Toutes ces vies qui s'entrecroisent un instant dans ce métro parisien, moment présent. Le dernier métro, théâtre nocturne, le dernier métro, vie qui se côtoie, urne, chacun dans sa bulle. Personne se parle, mais tous ensemble dans ce train on marche. Le dernier métro, le dernier métro, théâtre nocturne, le dernier métro, vie qui se côtoie, urne, chacun dans sa bulle. Personne se parle, mais tous ensemble dans ce train on marche. Station Châtelet, correspondance, couloir sans fin, solitude immense. Musicien du métro, résonance dans ces tunnels où s'égare l'existence. Ma station arrive, je descends dans la nuit. Paris s'endort jamais, vraiment c'est ainsi. Le dernier métro repart vers d'autres âmes. Moi je rentre chez moi, fin du drame.